بسم الله، الحمد لله الكريم، الحمد لله الكريم الجواب. خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والأبصار والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونسأله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بأنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Nous rentrons aujourd'hui dans notre quatrième épisode de notre série Les califes bien guidés jusqu'au califat du Mahdi. Et nous avions abordé dans les épisodes précédents l'analyse de l'époque de Abu Bakr lorsqu'il décida dans sa période dans laquelle il était l'émir des croyants, le califat du messager d'Allah sallallahu, le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement de combattre les tribus qui avaient apostasié de l'islam, mais qui immédiatement après avoir été secouru par Allah subhanahu wa ta'ala et être sorti vainqueur bi'idhnillah subhanahu, qui a directement décidé de lancer des troupes à la conquête de la Perse et également de l'Empire byzantin. Et nous avions évoqué la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi, dans laquelle il mettait en valeur les justifications d'Abu Bakr lors de son combat contre les apostats. Et l'étonnement qu'ont eu les compagnons, les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à combattre ces gens alors qu'ils disaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors nous posons la question de savoir que diraient tous ces savants du mal et tous ces ignorants qui les suivent et qui ne cessent d'accuser les muwahidines à notre époque, s'ils voyaient la décision d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu de rendre mécréants la plupart des Arabes. Subhanallah, si nous devions faire un qiyas, une analogie, alors nous dirions qu'ils accuseraient Abu Bakr Siddiq d'être khariji, d'être un khawarij. Wal'ayyadu billah, wa ilallahi al-mushtaka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ici nous aimerions rappeler à ceux qui critiquent les muwahidin et ceux qui établissent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accusant de khawarij et qui prétendent qu'ils font le takfir des muslimines. Nous leur rappelons la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, lorsqu'il dit que les sahaba ainsi que les imams après eux se sont accordés sur le fait de combattre ceux qui refusaient de verser la zakat, et cela en dépit du fait qu'ils accomplissaient les cinq prières et jeûnaient le mois de Ramadan. Ces derniers n'avaient pas d'ambiguïté admissible, c'est pourquoi ils étaient apostats en combattant pour ne pas verser la zakat, même s'ils reconnaissaient son obligation conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit cette parole dans Majmu' al-Fatawa, tome 28, à la page 519. Alors, qu'est-ce que ces gens-là attendent quel comportement est-ce que ces gens-là espèrent que le mouahidine ait envers ceux qui se refusent d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas que la zakat, mais bien plus que ça. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit, si les pieux prédécesseurs ont nommé apostats ceux qui refusaient de verser la zakat, malgré que ces derniers jeûnaient, priaient et ne combattaient pas les groupes des musulmans, alors que dire de ceux qui se sont rangés aux côtés des ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour combattre les musulmans. Ibn Taymiyyah le dit également dans Majmu' al-Fatawa, tome 28, à la page 531. Et subhanallah, si les doutes qu'avaient les nobles sahaba n'ont pas réussi à ébranler la détermination d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, pense-t-il que les critiques de ces apostats, de ces groupes qui se sont alliés aux sahawat de Ridda, de l'apostasie, afin de combattre les mouahidines, pense-t-il que leurs avis feront trembler les mouahidines? Non, par Allah. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu prononça alors cette célèbre parole que nous avons déjà citée. Par Allah, s'il refuse de me donner ne serait-ce qu'une corde qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela. Et il reste une chose encore très importante à analyser dans le traitement que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu réservé aux apostats. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi nous relate ainsi cet échange entre des représentants des tribus qui avaient apostasié et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il dit, je cite, Yazid ibn Abi Shariq al-Fazzari rapporte ce récit de son père. Il dit, je me rendis auprès de Abu Bakr au sein d'une délégation composée de membres des tribus de Asad et de Ratafan, après que Khalid ibn Walid radiallahu anhu ait eu terminé avec eux. Abu Bakr Siddiq dit alors, choisissez entre deux options, une guerre éclatante ou une paix humiliante. Khalid ibn Hisn dit alors, quant à la guerre éclatante, nous savons de quoi il s'agit. Mais qu'en est-il de la paix humiliante? Alors Abu Bakr Siddiq répondit, que vous attestiez que nos morts sont au paradis et que les vôtres sont en enfer. Que vous nous rendiez ce que vous nous avez pris, sans que nous ne vous rendions ce que nous vous avons pris. Et que vous versiez le prix du sang, c'est-à-dire 100 chameaux, dont 40 chamelles en gestation, pour chacun de nos morts au combat, sans pour autant que nous versions le prix du sang pour ceux d'entre vous qui ont été tués au combat. Et nous prendrons vos armes et vos chameaux. Et nous prendrons vos armes et vos chevaux, pardon. Quant à vous, il vous restera les chameaux jusqu'à ce qu'Allah montre au calife de son prophète et aux croyants ce qu'il souhaite nous montrer comme châtiment de vos personnes, ou qu'il voit de vous une acceptation sincère de ce que vous aviez quitté. Fin de citation. Mohammed ibn Abdul Wahhab rapporte cette parole dans Mukhtasar Sirat al-Rasul, page 267. Ainsi donc, on remarque qu'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu imposa aux apostats venus se repentir la condition de reconnaître leur mécréance, et plus encore, d'attester que ceux d'entre eux qui avaient été tués étaient voués à l'enfer. Tandis que les musulmans tués dans ce combat ou dans ces combats étaient voués au paradis. C'est pour ça que le Cheikh Souleymane ibn Sahman radiallahu il dit à ce propos, quant à la prétention selon laquelle Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ne rendait pas mécréants ceux qui refusèrent de verser la zakat, et que le simple fait de les avoir empêchés de prélever la zakat sur eux ne les fit pas apostasier de l'islam, cela n'est que pure prétention. Que dire donc du jugement émis par Abu Bakr au sujet de leur mort et stipulant qu'ils sont en enfer? Cela n'est-il pas un jugement dû au fait qu'ils apostasièrent par le refus de verser la zakat? Et si les compagnons ne considéraient pas cela comme une apostasie et une mécréance après l'islam, ils n'auraient pas pris leurs enfants en captif et leurs biens en butin. Ils les auraient au contraire traités comme de simples rebelles, dont les enfants ne sont pas pris en captif, les biens ne sont pas pris en butin, et les blessés ne sont pas achevés. Fin de citation du Cheikh Souleymane ibn Sahman, dans Tabri'at Shaykhan al-Imamayn. Mukhtasar Siyat al-Rasul, page 267. Et ceci étant dit, continuons dans notre exposé, Inch'Allah ou Ta'ala. À partir du moment où il reçut le premier message, Khalid ibn Walid rassembla ses troupes et prit le départ d'Al-Yamama vers Al-Nibaj, à environ 200 km de Al-Yamama, pour y installer son camp à la tête de 2000 hommes restés à ses côtés, compte tenu du petit effectif dont il disposait. Et Khalid et Iyad écrivirent à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu pour qu'il leur envoie du renfort. Abu Bakr al-Siddiq n'envoya à Khalid qu'un seul homme, qui n'était autre que Al-Qa'qa' ibn Amr al-Tamimi. Et subhanallah, d'ailleurs, avant même l'étonnement de Khalid, ce sont les gens de Médine qui étaient perplexes, qui dirent à Abu Bakr: tu n'envoies qu'un seul homme en renfort à celui dont une partie des troupes s'en est allée? Et Abu Bakr al-Siddiq de leur répondre: le cri d'Al-Qa'qa' au sein d'une armée vaut mieux que 1000 hommes. Ou encore, dans une autre version, une armée qui a à son sein un tel homme ne peut être mise en déroute. Subhanallah. Et la chose se réitéra avec Iyad ibn Ghanam. Lorsque ce dernier demanda des renforts, Abu Bakr al-Siddiq fit de même en ne lui envoyant qu'un seul homme, qui n'était autre que Abdullah ibn Auf al-Humayri, au sujet duquel il dit, radiallahu anhu, un homme qui équivaut à 1000. Al-Qa'qa' partit alors seul à cheval, en renfort à Khalid ibn Walid à Al-Nibaj. Et dans cette situation de mobilisation générale, Khalid ibn Walid envoya plusieurs messages de demande de renfort et de soutien à ceux de la région qui l'entourent. Il envoya deux messages à la tribu de Tamim, d'où venait Sulma ibn Qay, un compagnon parmi les Muhajirin, qui le rejoignit accompagné de 1000 combattants, de même que Harmala ibn Mourayt, un compagnon parmi les Muhajirin, qui lui aussi se rallia aux troupes à la tête de 1000 hommes. Ensuite, il rédigea une lettre à l'intention d'Al-Musanna ibn al-Haritha, qui se trouvait au sud de l'Irak et qui avait notamment amorcé les offensives en Irak dont nous avons déjà parlé, en lui demandant de venir. Et pour cela, il lui adressa une lettre écrite par Abu Bakr, lui enjoignant l'obéissance, ce qu'il fit en écoutant et en obéissant, pour venir immédiatement rejoindre les troupes à la tête de 4000 hommes. Mad'our ibn Hadi était également au sud de l'Irak avec Al-Musanna. Mais il avait avec lui quelques divergences. Il y avait des divergences entre lui et Al-Musanna concernant quelques questions. Alors ils écrivirent à Abu Bakr, qui fit de même à son tour pour ordonner à Mu'ad de rejoindre Khalid, ce qu'il fit à la tête de 1000 hommes. Khalid réussit suite à cela à rassembler entre ceux qui étaient déjà avec lui à Nibaj et ceux d'Irak parmi les tribus de Rabi'a et de Mudar, 8000 hommes, 8000 autres hommes combattants. Et tous étant de ceux qui n'ont jamais apostasié auparavant, mais sont restés constamment sur la voie de l'islam. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Et donc on peut opérer un décompte de soldats de l'armée de la manière suivante. À la base, elle était composée de 2000 soldats qui étaient déjà auprès de Khalid ibn Walid, dont 1000 venus de la tribu de Tayyir, et chez qui demeura un moment Adi ibn Hatim, afin de les empêcher de tomber dans l'apostasie, et qui restèrent donc fermes et résignés à combattre, ainsi que 1000 autres parmi les sahabas du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, 2000 issus de la tribu de Tamim, dont 1000 avec à leur tête Sulma et 1000 autres avec à leur tête Harmala. Ensuite, 6000 venus du site de l'Irak, dont 4000 accompagnants Al-Mustanna ibn Haritha et 2000 accompagnants Mad'our ibn Adi. Et pour finir, 8000 issus de la tribu de Rabi'a et de Mudar. A partir de ce décompte-là, nous pouvons chiffrer le nombre de combattants rassemblés autour de Khalid ibn Walid à Nibaj à 18000. Donc aucun n'a apostasié de sa religion un jour. Et tous sont sortis au combat de leur plein gré. Et ceci est un nombre d'hommes rassemblés autour d'un autre jamais atteint auparavant, ni chez les musulmans, ni chez autrui dans la péninsule arabique, avant cela. Mais une des choses qui rendait cette armée si singulière, si spéciale, c'est la présence en son sein de Khalid ibn Walid, de Al-Mustanna ibn Haritha, Qa'qa ibn Amr, Asim ibn Amr, ainsi que Tamimi, frère de Qa'qa ibn Amr, qui, pour sa part, était issu de l'armée qui accompagnait Sulma ibn al-Qayn et qui était parmi ceux qui avaient la plus grande expérience au sein des combattants musulmans. Il sera une force redoutable lors des grandes batailles et lors des guerres en Perse, comme nous le verrons bi'idhnillahu ta'ala. Et du côté adverse, on pouvait trouver face à Khalid ibn Walid le dénommé Hormuz, qui était l'émir perse de la région, d'El-Ubullah, et qui était, du point de vue des Arabes, le pire des voisins. Ces derniers allaient jusqu'à le prendre en exemple de fourberie et de mécréance en utilisant des expressions telles que « plus fourbe que Hormuz » ou encore « plus mécréant que Hormuz ». Hormuz était donc l'émir de la ville d'El-Ubullah, située, comme nous l'avons précédemment expliqué, au sud de l'Irak, à la bordure de l'état perse, du côté de la péninsule arabique. La ville d'El-Ubullah était à cette époque la plus grande ville portuaire du golfe arabique, la plus prestigieuse et la plus puissante. Elle était traversée par un fleuve appelé le fleuve de l'Hubullah, dont les alentours étaient comptés à cette époque parmi les jardins sublimes de ce bas monde. Il était entouré de palmeraies, de bigarades, de cédras et de variétés de cultures et de légumes, ainsi que des palais immenses qui laissaient le regard hagard. Hormuz était un noble au sein des Perses. Il portait une couronne sorti de joyaux, de pierres précieuses et d'or, dont la valeur est estimée à 100 000 dirhams. Il avait sous son commandement deux frères issus de la famille royale qui étaient Qubad et Anushjan. Ceci reflète donc le prestige de Hormuz et la confiance que plaçait en lui l'empereur perse dénommé Shirui. À Al-Nibaj, alors que s'y étaient rassemblés 8000 combattants, Khalid ibn al-Walid envoya un court message à Hormuz, émir perse d'El-Ubullah, dont voici un passage. Je cite. Ensuite, embrasse l'islam et tu seras sauf, ou alors tu devras, toi ainsi que ton peuple, contracter un pacte de protection tout en nous versant l'impôt de capitation. En cas de refus, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Je suis certes venu à toi avec des gens qui aiment la mort autant que vous aimez la vie. Fin de citation. Il envoya donc cette lettre par le biais d'un émissaire parmi les prisonniers perses que les musulmans avaient capturés lors de la bataille de Yamam. Ceci car il savait que ce perse, en partant voir Hormuz, ne manquerait pas de lui raconter les exploits de Khalid ibn Walid al-Yamam. Et comment, avec une armée dont les forces en vigueur étaient de 12 000 hommes, il a su remporter la victoire sur eux. Ceci avait l'avantage de jeter la peur et l'effroi dans le cœur des Perses en général et dans celui de Hormuz en particulier. À peine ce message parvint à Hormuz, que ce dernier s'anima d'une vive colère. Il demandait comment cet arabe et ses semblables, à qui autrefois il faisait la charité en ne leur laissant que des miettes, subhanallah, et qui étaient toujours obéissants et soumis aux Perses, osent désormais lui envoyer un message composant un si grand nombre de menaces et d'intimidations. Il envoya donc immédiatement une lettre pour informer Shiroui à Madari, lui demandant au passage la permission de combattre les musulmans et de lui envoyer des renforts. Et ici, subhanallah, il est important de marquer un arrêt. De marquer un arrêt et de constater que malgré la situation des musulmans que nous avons décrite, Khalid ibn Walid fit parvenir un message au commandant d'une des plus grandes puissances armées au monde, l'invitant soit à embrasser l'islam, soit à verser l'impôt de décapitation, ou alors de goûter le sable tranchant de l'islam. Et ceci, subhanallah, conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude d'exhorter les chefs militaires avant chaque expédition en leur disant: et si tu rencontres ton ennemi parmi les idolâtres, invite-le à trois choses. Quelle que soit celle à laquelle il consente, parmi les deux premières, accepte. Accepte cela d'eux et abstiens-toi de les combattre. Invite-les donc à l'islam. Et s'ils y consentent, accepte alors cela d'eux et abstiens-toi de les combattre. S'ils refusent, demande-leur de verser la jizya, la capitation. Et s'ils consentent, alors accepte cela d'eux et abstiens-toi de les combattre. Et s'ils refusent, alors cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et combat-les. Ça, c'est un hadith rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après Muslim ibn al-Hajjaj. Telle est la fierté du musulman, quelle que soit sa situation, car l'islam est au-dessus de toute autre religion et tout autre système. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Mais subhanallah, les défaitistes, les mêmes qui prétendaient que l'établissement d'un état islamique, d'un état musulman à notre époque, relevait d'une utopie, d'un rêve, préférèrent se moquer lorsque les musulmans suivent les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en invitant les chefs d'État mécréants à embrasser l'islam ou à verser l'impôt et la capitation. Subhanallah, ils sont semblables aux hypocrites qui se moquaient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui promettait à ses compagnons la conquête de la Perse et de Rome. Subhanallah. Et tout cela alors que les coalisés s'étaient réunis pour détruire Medinat al-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qui se passa? Depuis al-Hubullah et après que Shirouih l'est renforcé par une grande armée, Hormuz se précipita en direction de la région de Kazima, située dans le désert du golfe Persique. Il pensait, subhanallah, que c'était là la destination visée par Khalid ibn Walid. Sauf qu'il s'aperçut après coup que Khalid visait plutôt Hafir. Et donc, il fut donc contraint de dévier sa trajectoire et se redirigea vers elle en espérant qu'il allait pouvoir arriver avant Khalid ibn Walid. Alors quel était le plan de Khalid? Khalid ibn Walid divisa son armée en trois groupes, opérant sur différents axes. Il envoya un premier groupe avec à sa tête Al-Mustanna ibn Haritha. Ensuite le deuxième jour, un second groupe mené par Asim ibn Amr al-Tamim, qui plaça sur le flanc droit. Et quant au troisième jour, il envoya à sa tête Adi ibn Hatim, qu'il plaça sur le flanc gauche. Par la suite, le quatrième jour, il sortit lui-même à la tête de l'armée en donnant rendez-vous à toutes ses troupes à Hafir, en un jour précis. Et donc, le découpage de l'armée en trois groupes avait plusieurs objectifs, tels que le fait de tirer bénéfice d'une plus importante quantité d'eau des fleuves dispersés le long des chemins qu'ils allaient devoir emprunter. Et également, le fait d'être couvert et passer inaperçu aux yeux des espions perses, de sorte qu'ils seraient dans l'incapacité de connaître de manière précise les directions prises par l'armée musulmane ainsi que le nombre de ses soldats. De plus, les forces de l'armée perse demeuraient dans l'incertitude concernant la situation des musulmans jusqu'à de se retrouver en fait subitement nez à nez avec eux. Qasima était, comme nous l'avons dit, la première destination envisagée par Hormuz, avant qu'il ne s'aperçoive que Khalid ibn Walid et son armée se dirigeaient en vérité vers Hafir. Alors Hormuz fut donc contraint de dévier sa trajectoire et se précipiter en direction de Hafir pour y établir son campement militaire et organiser son armée avant l'arrivée de Khalid. Et de la même façon, Khalid s'aperçut que Hormuz avait atteint Hafir avant lui et qu'il y avait établi son camp militaire. Alors peut-être avait-il voulu créer le trouble chez eux ou ne pas venir jusqu'à eux alors qu'ils étaient préparés à l'accueillir. Mais toujours est-il que Khalid changea de trajectoire et se dirigea alors vers Qasima. Lorsque Hormuz apprit la nouvelle, il devint furieux. Comment cet arabe pouvait-il ainsi jouer avec lui de la sorte? Il prit rapidement la route en direction de Qasima afin d'y affronter Khalid ibn Walid. Les deux armées finirent par parvenir sur les lieux en même temps, ce qui eut pour avantage non négligeable de permettre à Khalid de faire perdre une occasion à l'armée perse de se préparer au combat avant son arrivée, contrairement à ce qu'il attendait à Hafir. Et donc à l'inverse des musulmans, Hormuz n'avait pas grande confiance en la fidélité de ses troupes et ne donnait pas beaucoup de crédit à la faculté de ses soldats à rester fermes au cours de la bataille. Il savait bien que ces derniers aimaient la vie et avaient la répulsion à l'idée de la mort. Quant à l'armée musulmane, elle fut décrite par Khalid ibn Walid, comme nous l'avons dit dans son écrit, lorsqu'il a dit « Des gens qui aiment la mort autant que vous aimez la vie ». Et donc, pour éviter la fuite des soldats, Hormuz n'eut autre idée que d'ordonner une chose surprenante au sujet de laquelle il essuya une opposition de certains de ses soldats. Mais malgré ça, il resta sur son idée et ordonna à chaque groupe de 10 soldats de s'enchaîner les uns aux autres, de sorte qu'au cas où un soldat ou même deux songerait à fuir, il ne pourrait y arriver. Et pour cela, et donc il faudrait que les 10 décident de fuir, ce qui était peu probable. Alors certains d'entre eux argumentèrent en disant d'un ton de désapprobation, vous vous enchaînez vous-même pour votre ennemi, ne faites pas cela, car c'est une bien mauvaise idée. Et donc ils n'eurent d'autres réponses à leur argument que, quant à vous, nous pensons plutôt que vous comptez prendre la fuite. Donc subhanallah, on voit déjà que des troubles ont commencé à surgir au sein de cette armée. Et après cela, Hormuz mobilisa ses troupes en plaçant Qubad sur le flanc droit et Anjan sur le flanc gauche. Donc on a dit que c'était ses deux frères. Et tandis que lui-même se plaça à l'avant-garde de l'armée pour attendre Khalid ibn Walid de l'autre côté. Khalid lui aussi était à l'avant-garde de l'armée attendant la rencontre de l'ennemi. Et donc, lorsque les troupes étaient enfin face à face, il faut savoir qu'il y avait pour coutume à cette époque, dans les guerres, avant de commencer une bataille, des duels. Un combattant sortait et défiait l'armée, et un autre de l'autre un autre combattant de l'armée ennemie sortait également. Et alors un combat au duel démarrait. Et ça avait pour but de montrer la force, une démonstration de force en face de l'adversaire. Et donc Hormuz, lui, il avait, subhanallah, dissimulé l'intention d'utiliser une ruse et de trahir Khalid ibn Walid. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait, il avait entendu parler de sa force, de sa vigueur, ainsi que celle des musulmans. Et c'est pourquoi, donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait provoquer Khalid ibn Walid en duel et comploter avec ses soldats pour tous le, en le trahissant, et en l'attaquant tous d'un seul homme. Et subhanallah, Hormuz effectivement enfonça donc son cheval et se dirigea vers le centre du champ de bataille en criant: je désire un face-à-face. Où est donc Khalid ibn Walid? Khalid sortit donc avec son cheval et donc s'avança jusqu'à parvenir à Hormuz. Les deux camps avaient les yeux rivés sur eux. Ils commencèrent le duel et deux coups furent échangés. Le premier fut porté par Khalid. Et puis ce fut au tour de Hormuz d'acerner un coup à Khalid. Le combat fut alors engagé jusqu'à ce qu'un détachement de soldats perses vient vers les entourer au point de les faire disparaître, subhanallah, avec la poussière. Les gens ne les voyaient plus. Et en dépit donc de la très mauvaise réputation que pouvait avoir ceux qui agissaient de la sorte en pleine guerre. C'était une attitude de lâche, c'était les traîtres qui faisaient ça, subhanallah. Et malgré ça, ils l'ont fait. Et comme le mentionnent, subhanallah, les historiens, Khalid ibn Walid disparut au milieu de ce nuage de poussière, de fumée, mais cela ne perturba guère Khalid, qui resta concentré sur son objectif, qui était de tuer Hormuz. Et il resta donc à le combattre jusqu'à réussir à le tuer sur son cheval. Une fois l'objectif réalisé, il continua par combattre et provoquer en duel les éléments du détachement perse qu'il avait encerclé et entouré. Et subhanallah, ceci nous rappelle une fois de plus la lâcheté de l'ennemi. La lâcheté, même lorsque ceux-ci possèdent les plus puissantes armées au monde, depuis le début de cette nouvelle croisade qui est menée contre les musulmans à l'heure actuelle, subhanallah, ils ont peur de descendre et d'affronter en face à face leurs ennemis, subhanallah. Ils se contentent, comme on le voit, tellement, subhanallah, ils aiment la vie d'ici-bas. Comme tellement ils ont peur, subhanallah, de la mort qui fait pourtant partie du combat qu'ils ont eux-mêmes choisi. Malgré ça, subhanallah, ils ont peur d'affronter les hommes, les croyants, les monothéistes, les mouhidines. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font une guerre par procuration. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à contribution les sahawats de l'apostasie, leurs suppôts, pour effectuer le travail qu'ils ont peur d'accomplir eux-mêmes. Et comme ce n'est pas suffisant, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font? Comme ces apostats-là ne combattent que pour l'argent que leur versent les tawarites, qu'est-ce qu'ils font de plus? Donc ils ont donc recours à ce que vous savez, les bombardements et les frappes aériennes. Telle est leur guerre en vérité. Ils larguent des tonnes de bombes sur une petite ville, tuant femmes et enfants et vieillards, en y détruisant toutes les habitations et ce qu'elles contiennent comme résidents. Tandis qu'à l'entrée de cette dite ville, des dizaines de milliers d'apostats s'apprête à donner l'assaut à l'intérieur. Et subhanallah, une poignée de soldats qui se comptent par centaines, ayant vendu leurs âmes à Allah subhanahu wa ta'ala, sont prêts à les repousser. Et après tout cela, il leur faut des mois pour enfin parvenir à reprendre la ville, ou plutôt les ruines, subhanallah, qu'il en reste. Après qu'ils aient perdu des milliers de soldats. Et on a vu les exemples à Tikrit, à Ramadi, à Palmyre, comme nous voyons encore, comme c'est le cas actuellement à Mossoul, à Raqqa. Et subhanallah, n'ayant même pas le temps de fêter leur conquête, les mécréants s'aperçoivent soudainement que les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent et ont déjà conquis une nouvelle ville aux dépens de leurs agents de l'apostasie. Alors revenons à notre compagnon Khalid ibn Walid et aux prises avec lesquelles il était face aux soldats perses. En ce temps-là, seuls deux musulmans étaient réputés pour savoir combattre avec deux épées en même temps, Khalid ibn Walid et Zubayr ibn Awwam. Ainsi, Khalid ne cessa de combattre seul, malgré cette situation ardue, jusqu'à ce que Al-Qa'qa' ibn Amr vole à son secours et puisse, avec ceux qui l'accompagnaient, le libérer de cet encerclement et de cette traîtrise qu'avait manigancé les Perses. Et donc à ce moment-là, les deux armées entrèrent dans la bataille et les combats firent rage. Les musulmans lancèrent une offensive féroce sur les Perses qui pulvérisa le noyau dur de leur armée. La peur commença à pénétrer les cœurs de ces derniers, et de surcroît après la mort de leur commandant Hormuz devant eux. Et cela a eu pour conséquence donc d'affaiblir leurs forces et de briser leur détermination à combattre les musulmans. Les musulmans se mobilisèrent et ils firent travailler leurs épées contre eux dans un combat sans précédent, au cours duquel celui d'entre les ennemis qui étaient tués causait la mort de tous ceux à qui il était enchaîné. On se rappelle qu'ils s'étaient tous enchaînés les uns les autres. Alors un très grand nombre d'entre eux fut tué, alors que du côté des musulmans, il n'y eut aucun tué à déplorer. Et cette bataille fut ainsi appelée la bataille des chaînes. La bataille des chaînes. Et la suite de la bataille donna lieu à la prise de contrôle de Kazima par Khalid ibn Walid. Et il prit la couronne de Hormuz, valant 100 000 dirhams, qu'il envoya avec un éléphant de l'armée perse, utilisé durant la bataille, ainsi que le cinquième du butin à Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu à Médine. Cependant, Abu Bakr renvoya l'éléphant à Khalid, car il avait choqué les gens à Médine, au point que certaines femmes, subhanallah, allaient même jusqu'à se demander si c'était une création d'Allah ou une fabrication des hommes, subhanallah. Et on raconte qu'il mourut sur le chemin du retour vers Kazim. Et donc c'est un point que je n'ai pas souligné, c'est que dans cette bataille-là, les Perses avaient utilisé des éléphants, pensant que ça leur serait favorable. Et donc après sa victoire à Kazima, Khalid ibn Walid envoya Suwaid ibn Qutba pour conquérir la ville de Al-Ubulla, qui était une immense forteresse dont les habitants étaient sortis pour la défendre. Et au moment où Suwaid ibn Qutba parvint à Ubulla, la nuit était tombée et ses partisans étaient rentrés dans leur forteresse sans qu'aucun combat n'eût lieu, comme c'était l'usage au cours des guerres à cette époque-là. C'est-à-dire que là, en général, la nuit, il n'y avait pas de combat. Khalid ibn Walid rejoignit Suwaid. Et lorsque les habitants de Ubulla apprirent cela, ils restèrent retranchés dans leur forteresse par peur de la force déployée par les musulmans et par Khalid ibn Walid lui-même. Suwaid informa Khalid que les habitants seraient sortis contre lui si Khalid n'était pas venu. Donc, Khalid a voulu faire la ruse afin de leur faire quitter leur forteresse et les faire venir graduellement vers une bataille à l'extérieur de celle-ci. Alors, en pleine journée et face à la forteresse, il se dirigea vers Hira, sous les yeux des combattants perses à l'extérieur, qui s'imaginaient qu'il avait laissé Souheil seul à la tête de l'armée. Alors qu'en vérité, Khalid revint de nuit en toute discrétion se placer à l'arrière de l'armée dirigée par Souheil ibn Qutba. Et lorsque le matin arriva, l'armée perse sortit pour combattre et fut surprise par le grand nombre de musulmans, des musulmanes, ainsi que par la présence de Khalid ibn Walid. Le grand nombre de l'armée musulmane et la présence de Khalid ibn Walid à l'arrière-garde de l'armée. Et de là, la peur était jetée dans le cœur des ennemis. Et leur morale fut brisée. Khalid ibn Walid dit à Souheil, élancez-vous contre eux. Et je les vois, d'après leur aspect, tel un peuple à qui Allah a jeté la terreur dans leur cœur. Et effectivement, comme le relatent les historiens, les Perses capitulèrent face aux musulmans sans que l'on ne puisse mentionner de réel combat. Et telle était la conséquence de l'ampleur, de l'effroi qui envahit le cœur des Perses à l'idée de lutter contre les musulmans. Les musulmans remportèrent donc la victoire sur eux. Et Khalid ibn Walid envoya Ma'qal ibn Muqrin, l'un des 10 frères, afin de rassembler les captifs et le butin à l'intérieur de la forteresse. ونكتفي على هذا القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.